12 janvier 1983. C'est le 12 aujourd'hui? 21, bon. Je suis dyslexique ce soir. Alors, on y va maintenant avec la période de questions. Il y en a beaucoup, Alex. Il y en a une, avant de lire les papiers, il y en a une qui m'est venue souvent, c'est comment on peut se procurer l'élixir? Vous pourriez tous le fabriquer vous-même dans des conditions favorables, parce que ce qu'il contient, c'est de votre propre essence. Quand vous aurez insufflé votre énergie dans ce sel christique, ce sel-là pourra s'identifier à vous. C'est l'énergie vitale. C'est le souffle de vie que vous avez introduit dans un cristal impétrissable. L'élixir, c'est exactement ça. Si vous le voyez au microscope, à la noirceur, juste suffisamment de lumière pour éclairer votre lentille, vous verriez qu'il est violacé. Il y a un petit aura autour de ce cristal-là. Ça paraît comme si c'était une parcelle d'énergie radiante. Alors, cette aura que le cristal révèle, c'est votre propre souffle. Propre souffle. Que vous avez introduit ensemble. Donc, l'élixir, le mien, j'appelle l'élixir. Élixir. Par énergie latente, est-ce que vous pourriez dire qu'on existe avant d'exister? Il y a le mot « essence » qui précède le mot « existence hein? ». Ce n'est pas un jeu de mots. L'être-té, c'est simplement la notion de « je suis ». Mais quand le « je suis » se manifeste, alors il devient de l'existence. L'être qui existe est extériorisé. Mais il inniste, enfin, il est déjà en puissance, en latence, avant d'exister. Quand il existe, il se matérialise dans la matière. Alors, l'instance, le mot n'est peut-être pas dans le dictionnaire, mais il faut que quelqu'un l'a conçu avant qu'on puisse le mettre dans le dictionnaire. Alors, instance précède l'existence. Pourquoi limiter l'homme au soleil? Il me semble qu'il serait plus juste de dire que l'homme prend sa source dans le soleil central de l'univers. Le soleil central, c'est celui, le Très-Haut, autour duquel notre propre soleil tourne. Notre soleil est homologué avec le Fils du Très-Haut, n'est-ce pas? Alors, Sotis, ou Soter, un mot qui veut dire sauveur, dans la constellation Canis Major du Grand Chien, c'est le noyau central du système solaire, le proton. Et le soleil même, Sol, n'en est que l'électron. Il génère l'électricité, il irradie l'électricité, mais ça vient d'une source supérieure. En théologie, on l'appelle le Très-Haut. Et le Fils du Très-Haut, ben c'est le Christ, ou le soleil, n'est-ce pas? Ou l'entité christique. Alors, ce noyau central, Dieu Peter, le père de la déité, c'est son air, le sauveur. Est-ce que la Terre peut avoir un corps physique comme moi? Mais exactement, elle a un corps physique. Tout ce qui existe dans le cosmos, c'est une triple nature, corps et homme-esprit. Mais alors, à ce moment-là, est-ce qu'elle peut être malade à un moment donné? Je vous demande pardon? Si la Terre peut devenir malade à un moment donné? Mais oui, il y a beaucoup de malaise dans le moment. Oui. Et enfin, une maladie, c'est un malaise persistant. Oui, la Terre a besoin de traitement. Elle avait des endroits. Il faut des lectures. Ah oui. Il faudrait la distribuer à travers toute l'atmosphère. Oui, la Terre est vraiment malade. Est-ce qu'elle peut avoir une... Oh, excusez-moi, je m'interromps. La Terre est en processus de gestation. Elle va donner naissance à quelque chose qui la libérera de son malaise, quoi. Mais la Terre, c'est un être vivant. Vu l'augmentation des dépressions nerveuses, peut-être à cause de la condition de la Terre, et de la maladie mentale, votre huile christique serait-elle efficace contre ce genre de maladie? Dépression nerveuse. La dépression nerveuse, c'est une absence de pression. Toute vie est une pression, la pression cellulaire, la pression sanguine, tout ça. Une dépression, c'est un ralentissement de la circulation. Bon. Alors, l'élixir ou l'air ionisé, en réalité, c'est de l'air ionisé, hein? Parce que quand vous avez absorbé cet élixir, votre air pulmonaire est vraiment du feu. C'est vraiment du feu. Alors, si on pouvait distribuer cette facilité-là, à travers toute la planète, alors vous verriez une autre atmosphère jaillir sur la Terre. Parce que l'atmosphère de la Terre contient aussi l'exhalaison des êtres humains. Alors, si les êtres humains sont malades ou souffrent de malaise, l'atmosphère de la Terre en souffre également. Elle est polluée par notre expiration. Parlez-nous de la voie sèche en alchimie. Voici. La voie sèche travaille avec des hautes températures, jusqu'à 1800 degrés. Mais seulement, on travaille à la veuillette, on ne voit pas exactement ce qui se passe. Ce n'est pas dans le ballon, c'est dans le creuset. Puis le creuset, il est rempli de charbon, complètement. On réalise qu'on a réussi au bout de 9 mois ou 282 jours quand le creuset éclate complètement. Vous avez le noyau central qui gît devant vous, c'est comme une boule de feu. Feu violet. Alors ça, c'est la voie sèche. Elle est dangereuse et elle est sujette à des explosions. Mais avec la voie sèche, la voie humide, dis-je, la voie du vallon, on fait des implosions. Ce qui se passe dans le ballon, c'est contrôlé par la sphéricité du ballon. Ça circule. Tandis que dans le creuset, ça ne circule pas. C'est fait à une caméra, comme on dit. Et elle avait une aide. Rappel, on réussit la voie sèche. Paracel, ça l'a fait. Fulcanelli ne l'a pas réussi. Mais, par contre, ce sur quoi on travaille, c'est la voie humide, la voie du ballon. Pourquoi les organismes officiels ont-ils si peu d'intérêt pour l'alchimie alors qu'il y a quand même une longue période de recherche et d'expérimentation qui a amené des preuves? Ils protègent leur, leur renommée. Parce que si les... Oui, c'est la raison principale, ça. Ceux qui ont voulu divulguer les secrets alchimiques ont été vilipendés par bien d'autres, c'est leurs confrères. Alors, ils sont prudents. Ils ne veulent pas faire de témérité. Mais il y en a plusieurs qui, dans le laboratoire, font de l'alchimie à l'insu de leurs confrères. Un très grand nombre. En France, surtout, dans le monde. On a constaté ça dernièrement. Vous dites que les Vénusiens sont en contact avec nous depuis longtemps, mais pas officiellement. Quand le seront-ils officiellement? Dans très peu de temps. Dans très peu de temps. Ce n'est pas moi qui l'ai annoncé, mais à NASA, il y a quelques mois, on a constaté qu'il y avait une espèce de halo qui domina l'ouverture polaire. Je parle de l'ouverture polaire parce qu'il n'y a pas de pôle, mais tout simplement des ouvertures qui nous donnent l'impression que c'est un pilier ou un pivot autour duquel la Terre gire sur elle-même. Mais c'est fou. Il y a deux ouvertures polaires. Et dernièrement, NASA a photographié ces deux ouvertures polaires qui ont 30 000 de diamètre. Et on a constaté un halo. Alors ce halo-là est de nature vénusienne. Il est vert. C'est un beau feu vert. Paraît comme un arc-en-ciel, mais qui n'est plus un arc, c'est un cercle en ciel. Un arc, c'est une partie d'un cercle, n'est-ce pas? Et autour du cercle polaire, on a vu un halo tout à fait circulaire, vert. Et vert, c'est la couleur de Vénus. L'atmosphère de Vénus est vert, hein? Bon, alors on a vu ce halo-là dominer l'ouverture polaire pendant plusieurs heures. NASA a publié des photographies il n'y a pas très longtemps de ce phénomène-là. Un cercle en ciel, non pas un arc en ciel, mais un cercle total en ciel qui dominait la planète. Ça, c'est de l'influence vénusienne. Parlez-nous du mois de février 1983. Février 1983, voici. Vous n'aviez jamais vu d'étoiles dans la voûte céleste. Puis quelqu'un vous dira, il va se passer un phénomène tout autour de l'hémisphère. Par exemple, vous alarmez, ça va être des êtres de lumière qui vont se révéler à vous subitement. Alors, déjà, on dira, c'est incroyable, on n'a jamais vu ça. Une aurore boréale, c'est étonnant si vous la voyez pour la première fois. Vous l'entendez, mais n'est-ce pas? Vous l'entendez, vous la voyez. Et au mois de février, très prochainement, on verra un phénomène de genre-là. L'air ionisé fera un halo tout autour de la Terre, à quelques mille pieds. Et ça entourera toute la planète. Et au lieu de faire un arc-en-ciel, ça fera un cercle en ciel. L'arc, c'est simplement une fraction du cercle. Là, ça sera tout un cercle. Ça partira de Polaris. Et ça viendra directement dans l'ouverture polaire, et ça se révélera à travers toute l'hémisphère septentrional. C'est ça qui va arriver au mois de février. C'est-à-dire l'hémisphère nord de la planète? L'hémisphère nord, oui, septentrion. Oui. Donc le Québec, le Canada? Le Québec, oui, principalement le Québec, à partir du 49e, tu sais, le cercle polaire. Dernièrement, on en a parlé, un nommé Crème, Benjamin Crème, a révélé qu'il s'était trompé de date, qu'il se ferait, il y aurait un phénomène comme ça, atmosphérique. Un météore extraordinaire. Est-ce que ça risque d'obscurcir le soleil? Je vous pose quelques questions que j'imagine qu'on se pose. Non, on a parlé du soleil démini. Dans certaines conditions, on voit le soleil démini dans le nord, dans l'extrême nord, n'est-ce pas? Oui. On voit le soleil démini. Ça ne l'obscurcira pas, mais ça le dépassera. Quand Vénus s'est manifestée pour la première fois, on dit qu'il rivalisait de gloire avec le soleil. Hein? C'est pour ça qu'il était projeté à proximité de Mercure. Alors, des phénomènes atmosphériques comme ça, des météores, ont toujours des effets étonnants et même effarants pour le peuple qui ne sait pas à quoi s'attendre. Alors, ce phénomène-là, ce sera ni plus ni moins une sphère en ciel, ou plutôt un disque en ciel, un disque comme une couronne boréale. On a déjà vu ça dans le Nord. Est-ce que les prophéties d'Edgar Cayce ou de Nostradamus en parlent de ça? Oui, il y a une centurie qui fait référence à ça. Mais la date ne coïncide pas avec celle que l'on anticipe dans le moment. Ça serait à quelle époque, d'après Nostradamus? Non, ça sera en 84-85, oui. Mm-hmm. Alors, quand on arrivera au 127e degré avec Sirius. Mais 127e degré, tu le mettras en 84 ou 85. Alors, les dates peuvent différer avec certains individus. Et Galkes a été très précis. Ce qui nous a révélé au sujet de l'Atlantide, ça a été constaté, hein? Bien des choses aussi. Et Galkes était vraiment visionnaire, mais lui-même n'était pas responsable de ce qu'il disait parce qu'il était toujours sous l'influence d'une hypnose provenant d'ailleurs. Lorsque ce signe se manifestera dans le ciel, est-ce que ça risque de produire une panique? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Vous voyez un arc-en-ciel, ou bien vous voyez des aurores boréales, il n'y a pas de panique, c'est de l'étonnement plutôt. Mais on se perd en conjecture quant à sa source ou sa signification. Mais les météores ont une signification. Ça vient d'ailleurs, d'en dehors de la Terre. Ce sont les êtres extraterrestres, que ce soit des êtres hominiens ou bien des êtres supérieurs, parce qu'il y a des êtres supérieurs à l'homme aussi bien qu'inférieurs. Alors, on ne peut pas en comprendre la portée. Mais on en sent l'effet. C'est ça qui est important, en ressentir l'effet. Une aurore boréale, c'est un effet bienfaisant. Puis, éblouissant. Alors, c'est de la lumière. Alors, toute lumière, qu'elle soit intérieure ou bien extérieure à la Terre, a un effet bienfaisant. C'est réaliser que la vie est une lumière bienfaisante. Quelle est l'allure physique des Vénusiens? Je vous demande pardon? Quelle est l'apparence physique des Vénusiens? Des Vénusiens? Oui. Des êtres de lumière. Bon, maintenant, nous sommes tous des êtres de lumière. Si on se voit avec la vision astrale, clairvoyant, on voit l'homme comme un gros œuf de lumière. 7 ou 8 pieds de hauteur, puis 3 ou 4 pieds de largeur. Puis au centre de ça, on voit une petite silhouette en disant ça, c'est ça que j'ai en dedans de moi, ce corps, cette carcasse, ce scaphandre que j'ai. Mais le Vénusien, c'est un être lumineux à travers lequel on voit quelque chose de sombre. Mais on sent sa présence, puis une présence humaine ou vénusienne, mais on sent sa présence. C'est un être intelligent, puis un être bienveillant. Ce sont des êtres bienveillants. Tous les phénomènes de vision astrale révèle ça. Il y en a eu plusieurs dernièrement. Quelle est la race implantée sur Terre par les Vénusiens? Je vous demande pardon? Quelle race les Vénusiens ont implantée sur la Terre? C'était d'abord les Olmèques. Les Olmèques, les Toltecs, les Mayens, dans la Lémurie. D'où viennent les autres races? Les Noirs, les Jaunes? Je voudrais bien être en mesure de vous répondre avec connaissance de cause, mais ce n'est pas mon cas. On sait que la Terre est peuplée par tous les habitants des planètes qui entourent notre Soleil. Alors, les différentes invasions, les différentes exodes qui ont été faites tiennent sans doute du fait qu'il y a eu plusieurs invasions de dominalité sur la Terre, ce qui rendra compte des différentes caractéristiques raciales. Bon, mais tout de même, il y a un élément qui est commun à tous, c'est qu'ils ont une intelligence et qu'ils sont de même nature que nous. Tous les êtres, comme nous dirait Moïse, sont faits du même sang pour habiter la surface de la Terre. Mais qui viennent de Vénus, qui viennent de Mars ou de Jupiter, sont tous des êtres hominisés, qui ont été conditionnés aux exigences de la planète sur laquelle ils s'installent. Qu'est-ce que vous pensez de l'initiation solaire? Ah ben voici. On parle d'initiation solaire et lunaire. L'une est émotive, l'autre est spirituelle. une initiation qui fait simplement un changement de mode de perception dans votre vie, parce qu'une faculté supérieure a été mise en éveil, ben, ça change tout votre comportement et surtout votre conception de la vie en général. Mais l'initiation solaire, c'est un éblouissement, c'est une solidification, c'est l'illumination totale. Ça part du plexus solaire, puis ça monte par jusqu'au cerveau, au centre christique. Tandis que l'illumination lunaire ou l'illumination émotive, ben, part du cortex cérébral, puis affecte simplement votre comportement émotif plutôt que la cérébrale ou spirituelle. L'une est supérieure à l'autre, parce que la lune ne fait que réfléchir la lumière du soleil. C'est une lumière solaire tamisée, mais l'initiation solaire est directe, parce qu'elle part du centre du système solaire. On dit que la vérité est en dedans de nous. Par quels moyens concrets peut-on découvrir, par des livres, par des rencontres avec d'autres personnes qui l'auraient déjà découverte? Oui, jusqu'à un certain point. Ils peuvent nous indiquer le cheminement à faire. Mais la vérité réside véritablement dans nous, parce qu'elle est omnilatente, elle est partout présente. On n'a qu'à s'y ouvrir. Et si on fait cesser notre cogitation cérébrale, qui, après tout, ne contient que des facultés développées par la sensorialité, on perçoit directement la vérité. La vérité existe en elle-même. C'est ce qui est. Tandis que les vérités fragmentaires, si vous voulez, ne sont que des fragments de la vérité. Parce que la vérité totale, c'est un éblouissement. Un éblouissement. On ne nécessite pas de preuves parce que on en a la conviction dans tout notre être. Il est dit que l'alchimiste est un cœur pur, un cœur d'or et de révélation. Est-ce que ces révélations sont seulement pour lui ou peut-être aussi transmises aux autres hommes? Le but de toute alchimie, c'est de répandre à la ronde tout ce qu'il aura conçu pour lui-même et tout ce qu'il aura mis à l'épreuve afin que ce qui est le privilège de l'un devienne l'apanage de tous. L'alchimiste est un altruiste, foncièrement. Il n'a pas de mérite parce que c'est sa nature de vouloir distribuer une connaissance qu'il trouve tellement étonnante, tellement merveilleuse qu'il n'y a pas de repos tant qu'il ne l'a pas distribuée partout à la ronde. Lors d'une entrevue pour la télévision, pour l'émission Ésotérisme expérimental, vous nous avez dit que vous aviez encore des secrets, que vous étiez pour en garder encore des secrets longtemps. Oui. Sans vous faire révéler ces secrets. C'est un secret que l'on secrète soi-même. L'expression ne s'applique pas péjorativement. Ce secret-là, c'est la quintessence de la connaissance ou de la conviction que vous avez. Et vous pouvez la révéler dans des conditions favorables, mais ce n'est pas verbal. Ce n'est pas une chose qu'on peut étaler verbalement ni illustrer graphiquement. C'est une émanation de soi qui se communique à la ronde. Avez-vous l'impression qu'avec une grande quantité de conférences, on finirait par découvrir ce secret-là? Percer le voile, oui. Percer le voile, oui. Alors, de dévoiler la chose. Mais la dévoiler, c'est révéler la vérité à nu. Puis des fois, elle peut nous éblouir. Parce que la lumière trop éblouissante peut vous aveugler aussi bien que vous illuminez, n'est-ce pas? Alors, ce secret, cette révélation que vous secrétez, ben, elle est perçue dans le silence. Elle pourrait peut-être même nous scandaliser quand on lève le voile, un moment donné. On dit que la vérité, les anciens la représentaient comme sortant nue d'un puits, hein? Elle vient des profondeurs de la terre. Mais quand elle sort nue, ben, elle éblouit tellement le monde, on dit. Fiat-le que ça, c'est la lumière, hein, tout ça. Vient nous éblouir. Alors, le secret, on l'appelle souvent le secret des secrets, secretum secretorum. Ben, c'est la chose que l'on secrète, que l'on irradie tout autour de soi. C'est ça la chose que l'on a secrétée, que l'on émet à la ronde dans des conditions favorables afin de faire bénéficier ceux qui ne peuvent pas la percevoir par lecture ou ben, par assimilation verbale. Est-ce que les Vénusiens contactent des gens d'une certaine importance ou contactent-ils aussi des gens de tous les milieux? Partout où il y a eu des manifestations d'extraterrestres, ça a toujours été parmi les pâtres, les bergers, des gens simples, n'est-ce pas? Que ce soit à Lourdes, que ce soit à la Salette, que ce soit à Fatima, ça a toujours été des jeunes, des gens simples, purs, de cœur et de compréhension, sans préjugés. Alors, ce n'est pas l'excellence cogitale cérébrale qui est un critère de mérite pour avoir des révélations des extraterrestres ou des entités d'ailleurs. Si vous êtes de la même nature qu'eux, Alors, vous y avec ça. Où ils ont accès à vous, plus facilement. Là, vous connaissez les histoires de la Salette, de l'Ordre de Beaupré, c'est toujours été des jardins, des choses comme ça. Semblable aux enfants? Oui. D'où vient cette pierre, ce sang de la terre? Celle que je vous ai exhibée, provient de Mérida, en Espagne, dans la banlieue de Madrid. On l'a trouvé à peu près 100-150 pieds de surface du sol. Puis la dernière partie est encore à l'état colloïdal, elle est encore huileuse. Elle est véritablement. Puis à 200-300 pieds sous terre, ben, elle est liquide. Elle coule pas comme la lave dans un volcan, ou bien qui sort d'un volcan. Elle est liquide. C'est pour ça qu'on doit la réduire à cet état colloïdal avant de pouvoir s'en servir, puis l'épurer de toute cette terrestrité. Ah, elle existe là, à l'intérieur de la croûte terrestre. Est-ce que vous broyez toute la pierre ou seulement la partie rouge de la pierre? Non, toute la pierre. C'est pour ça qu'on doit l'épurer par la suite avec des sublimations que l'on fait. Vous broyez toute la pierre, soit avec un malaxeur mécanique ou bien avec un mortier et un creuset. D'abord, vous la réduisez en fragments, un morceau, etc. Et ensuite, ça, la triturer incessamment. La mortifier, comme on dit. Hein, pensez au mortier. Une fois la séparation du sang du cinabre et de son amalgamation avec le sel solaire, faut-il de nouveau broyer le résultat de cette amalgamation et recommencer le même processus? Si oui, combien de fois? Si vous voulez faire une poudre de projection, dans le but simplement d'ennoblir un métal dans du plomb puis de l'épurer, hein? Mais si vous voulez faire l'élixir, vous n'avez pas besoin de broyer de nouveau. Vous recueillez la quintessence ou l'huile christique, puis vous la conservez, tel que vous l'avez, afin de pouvoir l'employer comme ça. Mais ce n'est pas le sens de recommencer l'ouvrage. Le travail entier, comme je vous l'ai déjà dit, dure 282 jours, soit 9 mois de travail. Ça, c'est tout le travail. Excusez, en fait, le travail préparatoire qui consiste à accueillir de la rosée et la fabrication du sel, un sel artificiel que vous ajoutez souvent, faire un sel double. Ce sel-là est fait avec la cendre, la cendre de chêne, la cendre de fougère ou la cendre d'acacia et de la chaux. La chaux est de la pierre, hein? La pierre qui contient un feu latent. Et vous ébouillantez ces deux éléments-là, la cendre de chêne et la pierre de chaux, la chaux vive, hein? Et vous en recueillez ce sel nitrique, qui est l'équivalent de ce que vous avez puisé dans l'atmosphère. On l'appelle l'agent primordial. Parlez-nous un peu du Graal. Le Graal... Je voudrais bien vous citer Fulcanelli. On a fait plusieurs interprétations. Le Graal, c'est la coupe qui a recueilli le sang du Nazaréen après que le centurion, l'ongel, il avait percé le côté. Bon, ça c'est symbolique, en Dieu. Mais seulement, le Graal, c'est le sang christique. Hein? C'est la coupe du sang christique. Alors, ce sang christique, c'est l'énergie solaire qui est... doit être éveillé dans l'homme. Alors l'homme est véritablement le Graal. Pourquoi les chevaliers de la table ronde étaient-ils à la quête du Graal? Et pour être chevalier de la table ronde, ils devaient avoir un cœur? Il y avait le duo des nerfs, la loi du duo des nerfs dans ça, n'est-ce pas? Il y a 12 chevaliers, le roi Arthur, tout ça. Par exemple, vous avez 12 audiens, vous avez 12 fils de Jacob, les 12 apôtres de Jésus. Alors, pour attirer notre attention sur cette loi du duo des nerfs, de 12, hein, qui prévaut à travers toute la nature, on parle de cette chose-là, les 12 points, les 12 sources de provenance de la vie sur la Terre, les 12 zodiacs, les 12 signes du zodiac. Alors, le Graal a beaucoup à faire avec la caisse des chevaliers de la table ronde. Il voulait retrouver la coupe symbolique qui avait recueilli le sang du crucifié sur le Golgotha. Quand vous dites 12, les 12 signes du zodiaque, les 12 mois de l'année, pourquoi 12? Pourquoi pas 15 mois de l'année? C'est parce que c'est une convention, ça, 12? Non. C'est une loi qu'on a observée. Par exemple, la Trinité, par exemple, la loi de la Trinité, la loi du septenaire. Dans les couleurs, dans la musique, vous avez 7 plans de manifestation. Et le 8e, c'est la répétition sur une étape plus élevée. Et 12 sont les 12 sources de provenance de toute la vie dans notre système solaire. Alors, ce sont les 3 lois que l'on considère comme étant des lois cosmiques inviolables et invariables. La Trinité, le septenaire ou l'octave, comme on l'appelle communément, qui est la répétition, et le duodénaire. Et toutes les mythologies tous les modes d'initiation, tous les rites initiatiques, on traite de du jour des nerfs, aussi bien que du septenaire, et de la trinité humaine. Même en musique, les 7 notes blanches plus les 5 notes noires, ça fait 12. Justement, ben oui, c'est 12. Oui. C'est de l'ésotérisme, ça? Mais sans doute, c'est de l'ésotérisme. Le moment est l'endroit où la synarchie entrera en action sur la planète, point d'interrogation. Aussi, la synarchie sur une théocratie, n'est-ce pas? Quand il n'y aura qu'un seul gouvernement sous l'égide d'un initiateur christique, elle est déjà en opération ou en gestation depuis le début de cette ère, de ce genre du verso, cette ère des poissons. Parce que le grand initiateur, c'est le Nazaréen. Alors, la synarchie est en gestation, et dans très peu de temps, quand on aura cette exubérance de toute vie, la synarchie s'imposera à travers toute la planète. Voilà. Il y a eu des belles œuvres qui ont été illustrées dernièrement à ce sujet-là. Jean Vez a traité l'œuvre de Saint-Yves d'Alvède au sujet de la synarchie. C'est excessivement précieux. Excessivement précieux. La synarchie, c'est l'unique gouvernement qui peut harmoniser la planète tout entière dans une famille indissoluble. Est-ce que les personnes décédées font partie de l'énergie latente? Si oui, est-ce qu'il sera possible de les matérialiser? J'ai pas saisi la première partie de la phrase, je vous demande pardon. Est-ce que les personnes décédées font partie de l'énergie latente? Et si elles font partie de l'énergie latente, les personnes qui sont décédées, on pourrait être capable de les rematérialiser? Oui. J'homologue par l'énergie latente, l'énergie en attente. C'est l'énergie en attente. Bon. Alors, cette énergie-là n'est pas latente. Elle attend simplement une occasion de réincarnation, de réadaptation à un mode matériel. C'est inutile de préciser que la loi de réincarnation existe à travers le monde tout entier, à travers toute la nature. Et quand on n'a pas réussi à atteindre le but pour lequel on a été créé dans une incarnation, que ce soit que s'agisse de la fleur ou bien du minéral, il faut qu'elle revienne dans son mode de progression pour répéter. Alors, cette énergie latente, c'est l'énergie en attente de reprise d'études ou d'expérience. Croyez-vous qu'on pourrait réanimer une personne qui vient de mourir grâce à l'alchimie? Si le cordon d'argent, le fil d'argent, n'a pas été coupé, complètement rompu, oui. Il y a eu un très grand nombre de cas. Plusieurs nous sont connus dans notre héritage judéo-chrétien, et ainsi qu'en Inde, au Tibet, on peut réanimer une personne, c'est simplement une suspension d'animation. Le terme existe. Une suspension d'animation n'est pas nécessairement la mort. On a des cas dans la léthargie, dans le coma, c'est une suspension d'animation. Alors, si ce qu'on interprète comme la mort est simplement un cas de suspension d'animation, alors il y a possibilité de les réanimer. On a plusieurs exemples de ça qui ont été faits. Pourriez-vous nous parler des lutins et des gnomes? Oui, je veux bien. Alors, comme il y a des êtres supérieurs à l'homme, appelez-le des anges, des archanges, des élevés, ce que vous voudrez, il y a des êtres inférieurs. Bon, alors, on s'appelle des élémentaux habituellement. Alors, dans les quatre règnes de la nature, ils sont habités, intégrés par des êtres intelligents, mais de l'intelligence naturelle, intelligence élémentale, qui voit à faire progresser la matière dans tous ses plans. Alors, ces êtres-là ont une consistance, ont une être-té, puis ont même une visibilité. À Londres, il y a quelques années, la Société de recherche psychique, sous l'égide de Sir Oliver Lodge, du Camille Flammarion, et d'un autre aussi, ont fait des recherches pendant une vingtaine d'années pour non seulement photographier, mais étudier les manifestations de ces élémentaux. Des lutins, des gnomes, des ondins, des sylvains, tout ça. Alors, ça existe véritablement. Il y a une littérature assez abondante dans ce domaine-là. Mais comme les gens regardent ça avec mépris ou avec incrédulité, on s'en soucie pas. Mais ils existent véritablement. Il n'y a pas d'erreur. Est-ce qu'ils sont notre propre création? Notre création? Oui. La question ici. Je ne crois pas. Maintenant, je n'ai jamais étudié, j'ai eu quelques instances de manifestation comme ça, mon garçon également en a eu, mais jamais eu l'occasion d'étudier, ni de les observer, sauf quand j'étais jeune. Ça m'est arrivé une couple de fois, dans des grottes à l'île d'Orléans. Et à Madeline Falls, quelque part dans, oui, à Davenuville, mon garçon a entretenu, enfin, des rapports avec ces petits êtres-là, c'est-à-dire les observer, puis a vu leurs ajustements. Ils se comportent tout simplement comme des petits lutins, disons, le mot. Oui. En hivernant, il y avait une grotte là, dans laquelle je lâche souvent. Puis des lutins, ben, des gnomes, ben, des ondaires. Oh, on était familier avec ça. Mais quand on nous a en parlé, on nous a dit, il capote un petit là. Hier, mon oncle nous a parlé, puis je suis voir soir, j'irai avec toi. On allait dans une grotte, puis on voyait ce phénomène-là. Oh, oui. Puis c'est pas un cas unique, hein? Alors, si vous observez que ce n'est des gens, ils vont dire oui, oui, j'ai jamais osé en parler, mais ça ramène quelque chose. Jusqu'à un certain âge, on est conscient de ça, parce qu'on est plus sensible avant la période de puberté, hein. Alors, ces émanations-là. Alors, c'est absolument les jeunes gens qui voient ça. Moi, j'étais tout jeune quand j'ai vu ces choses-là, puis je trouvais ça tellement naturel. Puis mon garçon également, le plus vieux de mes garçons. Alors, pour lui, il me rapportait ça, ben oui. Oui. Ces gens-là existent. Ce sont des élémentaux, le terme générique, on pense que ce sont des esprits des éléments. Ou des gens qui intègrent les éléments, qui voient la croissance puis à l'évolution des éléments de la Terre. D'où ça vient qu'il y a des gens qui sont capables de voir ces êtres-là, puis qui ont cette chance-là, puis que d'autres, ils pourraient aller avec vous, puis ils ne les verraient pas? C'est une question de sensibilité organique. Ah oui. Comme je vous disais, les jeunes qui n'ont pas encore atteint la bisexualité, ou bien, alors, ils sont capables de voir ça. Ouais. Mais vers l'âge de 15 ans, l'âge de puberté, absolument, cette sensibilité-là disparaît. À cause de quoi? C'est parce que la cellule se spécifie à un sexe à ce moment-là. Puis elle n'est pas androgyne. La cellule n'est pas androgyne, c'est-à-dire n'a pas l'équilibre des deux sexes. Alors. Est-ce que vous voulez dire que pour être équilibré, il faut avoir les deux sexes? Ou du moins, avoir les potentialités des deux sexes. Parce que les deux sexes, c'est un non-sens, c'est comme dire les deux hémisphères d'une boule. Hein? Mm-hmm. Bon. Alors, vous êtes sphérique au point de vue... D'ailleurs, le mot « anima » puis le mot « sphéra » veut dire la même chose. Hein? Alors, l'homme est sphérique, c'est-à-dire que tous les points sont avec une distance du centre. Hein? Alors, la sexualité ou la cisiparité, c'est un phénomène de dissociation. Hein? Alors, pour atteindre l'état de perception totale, faut établir l'équilibre dans notre entité cellulaire, pour qu'il y ait autant d'aspects positifs, d'éléments positifs que d'éléments négatifs. Quand vous êtes dans cet état-là, qu'on appelle communément l'état d'androgynité, alors vous êtes pleinement équilibré. C'est pour ça que les grands maîtres spirituels, comme le Christ d'ailleurs, Il était androgyne. Effectivement, il n'était oui. pas marié. Non, il n'y a plus de sexualité, il n'y a plus de cisiparité. Ah. Et les prêtres, ils essayent la même chose. Oui. Pour parler magie, ici, la question est très claire. Il existe les fameux cercles magiques sur le sol, et oui. Il y a des incantations, il y a tout ça. D'abord, avec qui on fait affaire lorsqu'on fait de la magie? Est-ce qu'on fait affaire avec le diable, automatiquement? Oui, le diable, ça dépend si vous l'avez fabriqué à votre image. Vous ferez des phénomènes que vous créez vous-même, mais le diable, c'est... Le diabola, c'est quelque chose qui met en travers étymologiquement. Le diable, c'est, pas comme dire, diamètre, diabola, c'est mis de travers, une entrave, hein? Une entrave au raisonnement, souvent. Hein? Alors, le diable n'a pas d'existence, hein? On dit le démon, c'est l'envers de Dieu. Hein? C'est la négation de l'être-té. Non, le diable, ça n'a pas de sens. Et la question se terminant... Excusez, si vous me permettez, je vais élaborer un peu davantage. Ça tombe là. Quand on a des phénomènes d'exorcisme, est-ce qu'on exorcise, c'est simplement les vies qu'on crée soi-même? Hein? Monseigneur Schaffner nous l'a fait réaliser dernièrement, hein? Que l'exorcisme consiste simplement à... évider, faire ressortir de l'entité psychique d'un individu les entités nocives qu'il aura créées lui-même. C'est tout ça en quoi consiste l'exorcisme. Alors, le job, c'est des entités de notre propre création qui nous rentrent. Quand on fait de la magie, est-ce qu'on rentre en contact avec ces entités-là? Oui, justement. Il y a une autre phrase que je puise à cet éminent psychologue... que la magie, c'est quand l'homme agit, hein? Quand l'homme agit, bon, alors c'est pas un jeu de mots qu'il faisait, notre éminentissime, c'est tout simplement décrire exactement ce qui se passe quand on agit sur la matière par la force de l'homme. Et il disait spécifiquement que la magie, c'est quand l'homme agit. C'est pas un jeu de mots qu'il faisait. Alors, l'âme, c'est un principe animateur, principe animique. Alors, donc, qui anime, qui modifie, qui altère, qui agence la matière, ça, c'est de la magie. C'est d'introduire la vie dans une image de notre propre création, une image d'un concept quelconque, d'un désir quelconque. Vous le rendez magique en introduisant votre propre énergie. C'est là que la magie entre, parce que l'âme agit à travers le biais de la matière pour le diriger vers le but que vous avez prémédité. J'aimerais savoir si lorsqu'on parle de l'instinct, ou des rêves prémonitoires, ou de la médiumnité, si on doit cela aux Vénusiens, ou ce sont des dons innés. Il y a que des capacités de médium ou de voyant ou tout ça. Oui. Est-ce que ça, c'est en relation avec... Un médium, il y a plusieurs niveaux de médiumnité. Il y a des gens qui sont simplement déséquilibrés, puis d'autres qui ont cette possibilité... Oui. Qui ont cette possibilité de... C'est magique. Non, c'est parce que c'est sur un chèque ici qu'il y a une question. C'est toujours la magie du verbe, hein? Ah! On va dans un autre. Aux Vénusiens. Est-ce que c'était les Vénusiens qui auraient développé chez l'être humain des capacités? Parce qu'il y a une chose, c'est qu'au début, l'être humain vivait très vieux. Oui. Il vivait 7, 8, 900 ans. Oh, mais oui. D'où ça vient que ça a diminué? La sénescence s'empare de l'individu quand son entité cellulaire devient corrompue par cette absorption de nourriture organique qui contient des terrestrités. Et la Terre, comme on disait il y a quelque temps, c'est le dépotoir de tout le système solaire. Et on se nourrit de l'énergie organique. Et on doit non seulement s'en libérer périodiquement ou continuellement, mais on retient rien que l'énergie solaire dans la nutrition qu'on absorbe. Alors, la sénescence provient du fait que l'on n'éjecte pas ce qui ne convient pas. Hein? On en retient toujours de plus en plus. C'est là que l'on s'intoxique d'énergie organique qui est putrescible. C'est là que le processus d'épuration de la vie revient, parce qu'elle rend le sang imputrescible en y introduisant le sang christique, le sang solaire. Est-ce que les Vénusiens se déplacent en soucoupe volante? Est-ce qu'il y a une relation avec les soucoupes volantes et les Vénusiens? Les soucoupes volantes, si on les prend pour des objets matériels, c'est faux. Bon, c'est tout à fait faux. Il y a bien des phénomènes physiques que l'on prendrait pour des choses éthérées, puis inversement aussi des choses éthérées ou des très subtiles que l'on prend pour des réalités physiques ou tangibles matérielles. Les soucoupes volantes, on ne peut pas... on peut les photographier, oui, on me paraît qu'on peut photographier un phénomène atmosphérique, mais ils n'ont pas la même forme de matérialité que le vortex, que le bois, etc. Les Vénusiens, est-ce qu'ils se nourrissent de l'élixir de vie? Je ne saurais dire. Je ne saurais dire. J'ai jamais médité ni eu l'occasion de conjecturer dans ce domaine-là. Mais on peut se nourrir de l'atmosphère aussi bien que de la Terre aussi. On a vu bien des gens qui ont passé des années et des années à se nourrir d'olfaction seulement, d'inhalation, hein, à se nourrir. La question, je vous la posais, c'est parce que je me demandais si dans les soucoupes volantes, il y avait des toilettes. Il y avait des quoi? Des toilettes. Oh, yo. Quelle considération matérielle. Permettez? C'est de l'eau, simplement de l'eau. Êtes-vous pour le végétarisme? Oh, pas outrancièrement. Non? Moi, je me nourris de fruits. J'ai une recette spécifique, du beurre d'arachide. La soupe au beurre de peanut, j'ai jamais mangé ça, non? Oui, chez vous, une fois, chez je pense. Chez nous, oui, c'est bon, hein? Ah oui. Ah oui, ça s'assimile facilement, ça contient beaucoup d'énergie, de protéines, mais plus que de la viande. D'abord, je mange pas de viande, hein? J'ai jamais mangé de viande. Bon, alors je me nourris de choses saines, hein, et qui s'assimile facilement, puis je convertis en énergie immédiatement. Oui. Ah oui, des fruits, des légumes. Oui. Mais je dois vous dire pourquoi j'ai fait la relation avec la toilette, les soucoupes volantes. C'est que j'ai vu dans un rapport que les extraterrestres, se nourrissant de produits à peu près purs, ils absorbent tout, ils n'ont pas rien à excréter. Et si on vivait en se nourrissant de ce qu'est l'idéal? Parce qu'on peut éjecter tous nos excréments par la peau, sous forme de sudation, quelque chose comme ça, oui. Mais comme notre nourriture est grossière, puis contient des terrestrités, ben on doit l'éjecter par les canaux visuels. Mais si vous nourrissez olfactiquement, plusieurs l'ont fait des jeûnes de 30, 40 jours dans le désert, ils n'ont pas eu d'exudation, ils n'ont pas eu d'éjection. Ça, c'est entendu. Puis il se passe un phénomène dans le système que le côlon devient un tube respiratoire. Le côlon, le duodenum, le fécum, le péritoine devient un tube respiratoire. Ouais. Il se passe des phénomènes dans l'organisme quand on atteint l'initiation solaire. On atteint l'initiation solaire. Nominalement, par exemple, les vertèbres coccygiennes se réintègrent puis viennent se rejoindre au sternum ici. Alors, vous avez donc, après un certain temps, une épine abdominale aussi bien qu'une épine dorsale. Ici, à partir du sternum, aller jusqu'à l'hyoïdose, hein, c'est un vestige de la colonne abdominale que l'homme avait autrefois avant qu'il brise son épine dorsale, en se puisant à une source de vie dont ne peut pas subir l'impact. Alors, ce qui était la cause de la chute de l'homme, c'était d'avoir puisé à l'arbre de vie prématurément, avant qu'il soit capable d'en subir le choc. Et il a brûlé ses fibres, on dit. Alors, après un certain temps, l'homme développe une colonne abdominale par la réintégration de l'appendice caudal, qui est déjà pas mal intégré sous forme de vertèbres coccygiennes. Alors, cet appendice caudal remonte sous forme de petits cartilages d'abord, puis vient se lier ici au sternum. Et au lieu d'une épine abdominale interrompue au coccyx et reprise au sternum, vous avez l'ouroboros, le serpent qui se mord la queue. Vous connaissez l'expression? Bon, l'ouroboros. Alors, la dernière vertèbre, c'est le crâne, puis la première vertèbre, c'est sa porte du sang créateur ici. Alors, un seul arbre de vie qui part d'ici, qui fait tout le tour, puis qui remonte jusque-là. Puis alors qu'aujourd'hui, ben, il a brisé son abdomen, puis il s'est remplacé par des organes que l'on connaît d'aujourd'hui. Puis là, l'homme n'a plus besoin de manger. N'a plus besoin. Il peut se nourrir olfactiquement. C'est pas tout le monde qui atteint cet état-là. Ça peut prendre plusieurs vies aussi avant de l'atteindre. Mais si vous avez commencé le processus, inévitablement, vous l'atteindrez. Il y aura une seule colonne qui sera abdominale et dorsale. Vous savez qu'il se produit des mutations physiques chez des êtres humains qui sont soumis à des radiations dans certains... Oui, justement. Mais vous, les radiations, c'est simplement quelque chose de radiant qui s'empare de vous, qui accélère votre mode vital. Et les mutations, ce sont les transmutations que l'on emploie, nous autres, dont on parle en alchimie. Alors, une mutation, ça peut arriver par un mode de radiation très violent, qui faut accélérer la croissance ou l'évolution plus rapidement que dans les conditions normales. Vous savez que suite aux expériences tentées ou aux expériences prouvées par Nikola Tesla et d'autres, qu'on a réussi à réaliser des ovnis en tôle là, qui se déplacent dans l'atmosphère terrestre et qui suivent des grillages électromagnétiques installés par les grandes centrales là, à la Tesla. Là. Oui, oui, oui. Celui de Nikola Tesla, je vous en apprends pas, a réussi à convoyer l'électricité sans fil. Par exemple, nous, on peut convoyer le son, n'est-ce pas? D'ailleurs, aller jusqu'en 1908, c'était une possibilité. Puis là, les compagnies détentrices des droits d'auteur ont empêché la dissémination de ces choses-là, Edison, etc. Mais Tesla a réussi à faire ça. Sauf que des sociétés extrêmement puissantes ont quand même continué à développer ces techniques-là. Oui, justement, ils les gardent pour eux. Ils veulent pas les mettre à disposition du public. Tesla voulait donner ça au monde entier, hein. Et il y a des êtres qui, par hasard, sont mis à bord de ces appareils-là. Ils subissent des mutations physiques. Oh, oui. On les prend pour des martiens à ce moment-là. Justement. Oh, oui, tous ceux qui ont été en contact direct avec les ovnis, les objets volants non identifiés, ont subi une mutation. Ah, puis ils ont été changés par cette irradiation qui provient de cette énergie solaire qui anime les objets volants. Parce qu'ils n'ont pas de combustible liquide ni solide. C'est simplement l'énergie. Mais Michel a prouvé par des études très précises en sciences que les ovnis se déplacent toujours selon des voies rectilignes. Oui. Des champs de force. Justement, un rectiligne, c'est ceci. On sait que dans un monde sphérique, il ne peut pas avoir de ligne droite. Mais une voie rectiligne, elle est forcément sphérique. Mais vu que notre limite de perception est restreinte, alors on croit que c'est une ligne directe. Parce que la lumière est courbe. Pourquoi Oui. Oh non, je vous laisse aller. Ben, je veux dire que Einstein nous dit bien que le plus court chemin entre deux points, c'est la courbe, non pas la ligne droite. Le chemin le plus direct entre deux points, c'est la courbe, et non pas la droite. Pour faire des jeux de mots comme vous en faisiez au début en disant que pire, pyros, spirituel, mais ce qui est spirituel, spire aussi. Pourquoi les soucoupes volantes spirent tout le temps? C'est parce que la loi d'univers, la double spirale, tout est spiral, tout est spirituel. Tout ce qui spire a de la vie. Vous connaissez l'ADN, hein? Les phénomènes d'ADN. Alors ce spiral, c'est la double spirale. On l'appelle la double idée, c'est la double spirale. Ça, c'est la loi d'univers. Tout est spirituel, tout est spiralique, tout spire. La Terre spire, gire, révolue, etc. Alors c'est la loi de la vie, ça. Mais seulement, c'est une force qui spire comme ça. Avez-vous déjà été embêté, vous, Alex Lachance, par certaines autorités à pas aller plus loin que certains pas dans vos... Pas réellement, non, je les ai évités, oui. Vous les avez évités? Au lieu de me faire... Oui, je me suis payé leur tête, au lieu de laisser se payer la mienne. Hein? J'ai pas le choix. Oui, ça arrive une couple de fois, oui. Oui, mais c'est facile de simuler. Oui. Hmm. Oui, une couple de fois, ça m'est arrivé. Alors, j'ai assumé l'ignorance. Vous êtes à préparer des livres, j'espère? Oui, je travaille incessamment sur ça. Et dans quelques temps, on pourra mettre quelque chose à portée du public, je dirais, au plus tard, dans un an. Ouais. Comme vous disiez, il y a quelques temps, ça presse, oui, ça ira bientôt sur presse. Ouais. Je crois, j'espère bien. Je pense qu'au mois de septembre, on pourra sortir quelques bons documents. Est-ce qu'actuellement, sur le marché, il y a de très bons documents en alchimie? Alors, je pense à des livres comme celui de Denis Klein qui est... Oui, Denis, il travaille sur une substance qui est un peu douteuse. Il travaille sur de la stibie. Stibie, comment on dit ça en français? Stibium. C'est de l'antimoine, hein? C'est dangereux, ça se paraît comme travailler sur l'uranium, ou j'essaie de travailler sur l'uranium, ça fait des explosions. Alors, Denis travaille sur la stibie. Bon, je ne le donne pas, il a droit à son choix. On pourrait peut-être remplacer le pétrole qu'on met dans une automobile qui doit prendre 75 000 au gallon, puis en faire... On peut prendre du mercure. Le mercure est moteur, hein. Si vous chauffez le mercure, il se dilate, n'est-ce pas? Si ça vient un dispositif... en spirale, dans lequel j'aurais quelques gouttes de mercure, quelques grammes ou quelques onces de mercure. Vous pourriez toujours l'activer, le faire monter en spirale, puis faire descendre par la voie de gravitation. Alors, c'est inépuisable, c'est en vert l'eau. Alors, au lieu d'avoir un combustible qui s'épuise, on aura du mercure qui ne s'épuise pas du tout, puis qui reste toujours enfermé dans un réceptacle de verre. Or, tôt ou tard, on aura ça, une batterie d'énergie solaire ou d'énergie mercurielle qui remplacera tout le combustible qu'on pourra... utiliser. Vous savez que la Russie fait des pressions sur toutes les personnes qui semblent intéressantes et qui s'intéressent à l'alchimie. En Europe, on a recueilli beaucoup d'alchimistes. Oui, j'en ai entendu parler, mais j'ai aucun renseignement. Vous n'avez jamais été chalé par eux autres? Non. C'est qu'il y a quelque temps, on a parlé de ça, qu'on faisait... on est passé au pays faible, les alchimistes, oui. Mais on les ramasse parce qu'en Russie, on reconnaît la valeur d'un Nikola Tesla. Ah ben oui, certainement, Nikola Tesla, mais oui. On le met sur un pédestal maintenant. Ah oui, oh, Nikola Tesla. Dernièrement, j'ai lu un volume qui était écrit à son sujet, le Return of the Dove, le retour de la colombe. Hein? C'est autobiographique un peu. Ça relate une conversation qui avait lieu entre l'Italien... moi, je ne sais pas l'italien, qui était au Vatican. Marconi. Pour le Duce. Marconi, hein? Ah, Marconi? Marconi, ouais. Avec Edison. Ouais. Il y envoie Nikola Tesla. Est-ce que tu penses à mon élève? Il dit. Ah, il est étonnant. Il dit, il n'y a rien d'impossible pour lui. Il dit, s'il trouve quelque chose d'impossible, il dit, très bien, il dit, on va commencer dès maintenant. Parce que ça va prendre un peu plus de temps que c'était tout banalement possible. Puisque le pire, c'est qu'il a toujours raison. Il a toujours raison. Puis c'était au sujet de son ampoule hétérodyne. Hein? Puis il voulait travailler sur le mercure pour en faire une source de combustible inépuisable dans une ampoule. Puis il dit, c'est possible, ils ont fermé de commencer tout de suite, ça va prendre un peu plus de temps. Ouais. Alors, il n'y a rien d'impossible. Ce qui est impossible, c'est dans la conception que l'homme s'en fait d'une chose, d'un accomplissement quelconque. Il avait réussi à faire voler dans les airs des boules. Ah oui, ah oui. Il a éliminé la gravitation en la convertissant en lévitation. Parce que, pas tout, quelle est la différence là, entre ces deux forces-là? La différence de potentiel électrique, hein? Changer la polarité. la Terre est magnétique et l'espace est dynamique. Alors, comme résultat, tout adhère à la Terre. Mais si vous changez la polarité de l'espace, la polarité de la Terre, à certains endroits sur la Terre, vous allez avoir une lévitation. C'est ce que les Égyptiens ont fait, disons. Et... Il avait déjà dit aussi que les photons accélèrent dans l'espace au moment où ils sont échappés lors d'une fission ou d'une fusion quelconque. Oh, justement, ils accélèrent continuellement dans leur vitesse. Oui, justement, il y a un momentum croissant. Oui. Les photons accusent un momentum, oui. Savez-vous comment est disparu Nikola Tesla? Planck en a parlé, n'est-ce pas? Planck, le bonhomme Planck, un physicien, ouais. Que ces photons-là étaient doués d'une individualité, d'une capacité d'action individuelle. Autrement dit, ce sont des êtres intelligents, minuscules, si vous voulez, mais c'est pas la grosseur ni le volume d'une entité quelconque qui en fait sa possibilité. Alors, les photons sont des entités individuelles. Comment s'est terminée l'existence de Nikola Tesla? On est toujours dans le mystère à son sujet. On prétend qu'il a été éliminé, ostracisé par des gens jaloux de ses secrets, ou on prétend que c'est simplement subtilisé, transmué. Il y a plusieurs qui ont fait ça. Le comte de Saint-Germain? Ah ben voici, oui. Ah, il n'y a pas d'ennemi, mais il a disparu. Du moins, plusieurs aussi ont fait ça, oui. Il est devenu un être de lumière. Si l'homme est un être de lumière, pas seulement se convertir en luminosité ou en invisibilité, que de rester tangible et matériel. Ça dépend de la force qui l'intègre. Visez-vous cette réalisation personnellement? Oui, mais je cherche la cible. Je cherche la cible. Pour viser, il faut avoir la cible directement devant soi. Mais oui, on y vise tous, oui, c'est notre désir inhérent. Oui. Dès que je verrai bien la cible, je viserai juste. Dans vos prières, qu'est-ce que vous pensez? C'est très personnel et très intime, mais qu'est-ce que c'est que vous priez? Quand vous priez comment et quoi? Et pourquoi? Ça, c'est une prière. Je peux pas faire autrement que ça. Une aspiration de tout notre être vers quelque chose d'inconnu, quelque chose d'incommensurable, quelque chose d'ineffable. Des prières verbales. Après tout, c'est auto-fabriqué, ben c'est copié. Une prière, c'est une aspiration, c'est un désir de tout notre être vers quelque chose qui nous dépasse. Hein? Alors, quand vous êtes conscient de ce grand tout-là, chacun de vos respires est une prière. Hein? Qui aimeriez-vous le plus rencontrer? Quelqu'un qui soit déjà décédé, quelqu'un qui a déjà vécu à l'époque des Égyptiens, des Atlantes ou... Qui est le personnage que vous aimeriez rencontrer avec, en face de vous? Tant qu'un individu est personnalisé, il porte un masque quelconque. Ce masque-là a été fabriqué par les circonstances de sa vie, mais derrière ça, il y a l'impersonnalité. Alors, l'impersonnalité est inhérente en soi. Je ne souhaite pas rencontrer une personnalité quelconque, que ce soit Galiléo, que ce soit Nazaréen, quoique j'ai un amour instinctif envers le Nazaréen, c'est le grand frère. Hein? Alors, oui, je le salue ouvertement, puis tout cœur, mais je resterai tout à fait muet devant lui, tout à fait muet. Ouais. Et quelle sorte d'être vous souhaitez voir apparaître sur la Terre? Question qui était pas mal intrigante. L'homme deviendra ce qu'il doit être fatalement, inévitablement, ultimement. Alors il retournera à la maison du Père, il deviendra tel qu'il était avant de s'être impliqué dans la matière. Cet homme-là sera un être de feu, un être de lumière. Ouais. Il n'y aura pas de personnalité, il n'y aura pas de véhicule matériel pour l'identifier. Cet être-là sera un être de lumière. Pensez-vous que l'être humain est protégé? Quoi qu'il arrive, il ne pourra pas s'auto-détruire et se... Définitivement. Il peut détruire son véhicule, mais comme on disait il y a quelque temps que ça arrive, quand un homme commet le suicide, il meurt simplement. Hein? Mais il ne meurt pas. Il constate qu'il a laissé son enveloppe et dit... Quelle sorte de bêtise que j'ai fait là? Moi, je le fais tel qu'avant. Simplement, je n'ai pas de moyen de communication. Ouais. Non, l'homme ne peut pas s'auto-détruire, c'est impossible. Non. Parce que ce n'est pas lui qui s'est créé. Ouais. C'est pas lui qui s'est créé. Ouais. Alors, le Créateur en est responsable, puis il est responsable de sa permanence de vie aussi. Il ne peut pas sauter les trucs. Que diriez-vous à quelqu'un qui dit qu'en dehors du corps, il n'y a à peu près rien? L'esprit de l'intelligence, mais lorsque le corps meurt, tout est fini? Je m'abstiens de lui. Mais pour lui, je m'abstiens de lui. Je dis, pauvre garçon. Pauvre garçon. C'est ce que je peux dire, hein? Puis je donne ma bénédiction. oui. Il n'y aurait pas une façon de le guider dans une direction pour qu'il découvre... Oui, je prendrais une méthode empirique. Je lui donnerai un peu d'Alexir. il dira, ça c'est vivre, hein? Comme il y en a qui ont dit une couple de fois. Ça c'est vivre, oui. Vivre pleinement, plus grande abondance. La vie, c'est l'unique réalité. Puis la vie, c'est le grand tout. Il n'y a pas de mortalité, il n'y a pas d'inertie dans aucune forme du cosmos. Même le minéral a une conscience. Comment se fait-il que l'homme ait perdu la conscience? C'est une question ici. Parce qu'il s'est trop identifié avec son environnement. C'est comme un acteur, par exemple, qui perd sa propre personnalité ou sa propre égoïté en s'identifiant trop avec le rôle qu'on lui a imposé. Alors là, c'est le sort de l'homme. Il s'est tellement identifié avec son rôle qu'il croit qu'il est le Triboulet ou François Ier ou le D'Artagnan qu'on lui a demandé de jouer. Alors là, il a perdu sa notion d'être été véritable, son égo véritable. Alors sa personnalité, le masque qu'on lui fait porter, il s'identifie avec ça. Alors, il devient nubilé de ses propres créations, des créations qu'on lui a imposées. Ouais. Mais dès que l'homme a transcendé sa pensée cérébrale, là, il réalise quelque chose qui dépasse tous les masques qu'on pourrait lui imposer. Et en conclusion, vous pouvez nous laisser sur... En conclusion, je dirais qu'il n'y a pas de conclusion. Une conclusion, c'est la fermeture d'une chose. Mais comme on vit dans un monde d'infinité, au sein de l'infinité, il n'y a pas de conclusion. Il n'y a pas de conclusion. Conclusion, c'est la fermeture d'un cycle. Puis un cycle, c'est sphérique. Et ça tourne toujours, ça tourne toujours. Comme une spirale, mais c'est jamais sur le même point. Spirale ascendante, oui. Alors, il n'y a pas de conclusion à la vie. Il y a des différentes étapes. On fait l'ascension graduellement, mais la vie est éternelle, puis c'est la loi de l'être. Il n'y a ni temps ni espace, quelles que soient les conditions que nous impose la matière ou les infirmités de notre sensorialité, il n'y a pas de conclusion. C'est... la permanence. Merci, Alex Lachin. Bienvenue, je me fais pour rire. Merci. Merci.